Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les écoutes de l'Élysée, le dernier secret de François Mitterrand. D'août 1982 à mars 1986, une cellule antiterroriste composée d'une poignée d'anciens gendarmes d'élite et d'agents des services de renseignement met en place un système d'écoute et de fichage de grande ampleur. Installée dans l'ombre du palais de l'Élysée à Paris, cette unité va procéder dans le plus grand secret à des écoutes téléphoniques parfois illégales, souvent anticonstitutionnelles et toujours clandestines. Au total, on dénombre aujourd'hui un peu plus de 2000 personnes, toutes victimes de cette redoutable machine de renseignement. Qu'ils soient responsables politiques, journalistes, comédiens, hommes d'affaires, éditeurs, écrivains, personnalités de la vie publique, agents des services de renseignement, anciens barbouzes ou encore simples anonymes, tous ont en commun d'avoir eu leur ligne téléphonique mise sur écoute. Les chiffres sont à ce point édifiants que certains journalistes n'hésitent pas à faire un parallèle entre la cellule de l'Élysée et une police politique genre Stasi. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Jean-Marie Pontaut, ancien grand reporter pour Le Point et pour L'Express. Il est l'auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages sur les affaires qui ont marqué la vie politique française de ces 30 dernières années. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacques-Bouviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Et cette ces révélations. Je suis très étonné que vous engagiez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Mais ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par. Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas. Vous voulez qu'on s'enfonce encore un peu plus. Mais je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Monsieur, si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. La scène que vous venez d'entendre se déroule au début du mois d'avril 1993 à l'Élysée dans le bureau de François Mitterrand. Ce jour-là, le président de la République reçoit le journaliste belge Hugues Lepage. L'entretien, filmé dans le cadre du documentaire Le Prince et son image, débute par des questions de politique générale. Comme à son habitude, lorsqu'il se retrouve face à la presse, le président Mitterrand affiche un certain détachement. Il manie le verbe comme personne, reste calme, inflexible, marmoréen. Mais ce matin, il semble contrarié, agacé, fatigué. Au bout d'une demi-heure d'échange, Hugues Lepage l'amène sur un terrain extrêmement glissant, une affaire plus que sensible. Les écoutes téléphoniques qu'aurait réalisées la cellule antiterroriste de l'Élysée. Et là, le visage du président se crispe, le ton change, la colère l'emporte, glaciale, impressionnante. Et pour la première fois, face à une caméra, l'image de sagesse que distille ce président si erratique pâlit. L'entretien se termine sans élément de réponse. Depuis plusieurs semaines, la question des écoutes s'affiche au cœur d'une violente campagne de presse. Le président Mitterrand et sa garde rapprochée sont pointés du doigt. Il faut dire que les indices confondants s'accumulent. Sur la base de documents d'archives inédits, plusieurs journalistes les accusent d'avoir enregistré des conversations téléphoniques de citoyens français sur le territoire national, en dehors de tout cadre légal. Pour seule stratégie de défense, l'Élysée ne nie pas qu'il y a eu des écoutes, mais affirme, par la voix de son porte-parole, n'y être pour rien, et que si écoute il y a eu, c'était uniquement dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est le journal Libération qui, dans son édition du 4 mars, déclenche la première vague de sa raz-de-marée politique. Le titre de son article est sans nuance. En 1986, l'Élysée a mis sur écoute un journaliste. Plus loin, dans les colonnes du quotidien, on découvre des extraits de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées au domicile de l'un des enquêteurs du journal Le Monde, un certain Edoui Plenel. Les documents publiés par Libé contiennent une foule de détails, de précisions sur les allées et venues du journaliste, sur ses contacts ou encore ses activités à l'étranger. On y découvre, par exemple, un extrait de conversation avec l'un de ses confrères, ou encore un aparté plus intime avec sa compagne. La chronologie des événements, telle qu'elle apparaît dans les transcriptions, est absolue et la précision des faits incontestable. Et Louis Plenel lui-même confirme l'authenticité de ces échanges. Mais le plus intriguant reste sans doute le nom de code de l'officier qui a procédé à la retranscription de ces écoutes téléphoniques. G.P. Yves. Après enquête, on découvre que ce pseudo est celui d'un commissaire de la DST. Un individu qui répond au nom de Pierre-Yves Guiron. Cet homme était rattaché à la cellule antiterroriste de l'Élysée à l'époque. Invité à réagir sur France Inter, Edouard Plenel affirme ne pas être surpris par cette affaire. Et bien sûr, il s'offusque d'un usage détourné des moyens de l'État au profit d'intérêts personnels. Une chose est de savoir qu'il y a eu ces pratiques d'écoute illégale sur mon domicile privé. Autre chose est de le prouver à partir de relevés dont l'authenticité ne fait aucun doute. Donc d'une certaine manière, je ne suis pas surpris. Ça fait longtemps que je savais que la cellule de l'Élysée, entre 82 et 86, avait suivi une dérive de basse police, de cabinet noir ou de police parallèle. Mais quand même, attention, ces pratiques sont graves, ces pratiques sont dangereuses. Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut que justice passe. De son côté, en guise d'éditorial et pour soutenir son journaliste, le quotidien Le Monde publie le jour même en première page un dessin de Plantu. Dans un cadre noir, on aperçoit François Mitterrand qui entre à pied à l'Élysée. Dans la rue, un marchand de journaux à la criée l'interpelle et lui propose d'acheter le journal Le Monde. François Mitterrand lui répond « Non merci, on m'a déjà lu les articles au téléphone. » Féroce. Si l'épisode prête à sourire, l'affaire reste grave, car elle met directement en cause la présidence de la République, la présidence tout court. Dans les jours qui suivent, la tension grimpe d'un cran. Les rumeurs les plus folles circulent dans le tout Paris. Des journalistes affirment que ce seraient les gendarmes du GESPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, qui seraient les véritables auteurs de ces écoutes. D'autres prétendent que c'est dans les caves du palais de l'Élysée qu'on procéderait avec des méthodes de barbouze à ces enregistrements et à leur retranscription. Interrogé par l'agence France Presse, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, Gilles Ménage, réagit et déclare tout ignorer sur le sujet. À Matignon, le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, tente de circonscrire l'incendie. Il demande à la commission de contrôle des interceptions de sécurité de procéder à une enquête. Mais l'effet d'apaisement sur l'opinion publique va être de courte durée. En effet, le 12 mars, nouveau coup de théâtre. Un peu plus d'une semaine après ses premières révélations sur l'affaire, le journal Libération persiste et signe. Cette fois, le quotidien publie le contenu d'un répertoire informatique faisant état de 114 branchements de lignes entre janvier 1983 et janvier 1986. Et les noms cités dans l'article donnent le vertige sur l'ampleur du phénomène. On trouve ainsi des écrivains comme Jean Edernalier, des avocats comme Maître Antoine Comte, l'homme qui défendait les trois jeunes accusés de terrorisme dans le scandale de l'affaire des Irlandais de Vincennes. Et enfin, le nom de personnalités de la société civile comme l'actrice Carole Bouquet. Parmi tous ceux qui découvrent leur nom dans le journal, ce jour-là, il y a le député européen François Froment-Meurice. Lui aussi a été écouté. Joint au téléphone par France Inter, il dénonce un scandale d'État. J'étais totalement écœuré et absolument scandalisé. C'est vraiment des mœurs, je dis, c'est même plus des républiques bananières. Enfin, c'est les colonels grecs, c'est Pinochet, moi j'en sais rien, mais c'est n'importe quoi, une espèce de cellule de police parallèle qui, sans contrôle, faisait tout et n'importe quoi, écoutait n'importe qui, n'importe quand. Mais qu'est-ce que c'est ? Dans quelle république est-ce qu'on vit ? Enfin, c'est incroyable. Dans la foulée, plusieurs victimes portent plainte contre X. Et le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour atteinte à l'intimité de la vie privée et attentat à la liberté. L'enquête est confiée au juge d'instruction Jean-Paul Vallat. Lundi 17 mai 1993, Palais de Justice de Paris. Depuis plusieurs semaines, le magistrat tente de réunir des éléments en charge dans l'affaire des écoutes. Pour l'instant, son dossier reste maigre. En tout et pour tout, il ne dispose que de quelques photocopies d'articles de presse et des témoignages écrits de certaines victimes. Or, au même moment, les hebdomadaires Le Point et Le Nouvel Obs dévoilent toute une série de nouveaux noms de personnes écoutées par l'Élysée. Il y a encore des journalistes comme Georges Marion, François-Olivier Gisbert, des responsables politiques, Charles Pasqua ou Laurent Fabius, des écrivains, Jean d'Ormesson, des avocats, Jacques Vergès. Mais la véritable surprise se trouve ailleurs. On trouve dans ce listing des salles de rédaction entières. On apprend ainsi que le journal Le Monde, France 3 ou encore Radio France ont été sur table d'écoute. Et preuve que le système n'a aucune limite, ont également été écoutés des instituts comme celui d'Histoire sociale à Paris, des entreprises privées telles que l'agence de pub Havas ou encore des agents de la direction de surveillance des territoires, la DST. Mais oui, ça c'est pour le côté arroseur arrosé. Le juge Jean-Paul Valla prend alors contact avec certains journalistes. Dans le plus grand secret, ces derniers lui remettent des comptes rendus d'écoute qu'ils ont pu glaner ici et là. Et très vite, un nom retient l'attention du juge. Il s'agit d'un capitaine de gendarmerie au profil atypique. L'individu appartenait lui-même à la cellule antiterroriste de l'Élysée et il a participé aux premières écoutes avant d'être écouté à son tour. Son nom n'est pas inconnu du grand public. Lors de l'affaire des Irlandais de Vincennes, encore elle, il avait connu la gloire avant de se couvrir de ridicule. Il s'agit d'un certain Paul Baril. Sept mois plus tard, début décembre 1993, sur la base de ces éléments, le juge Valla décide d'entrer dans le vif du sujet et de procéder aux premières auditions. Parmi les premières personnes qu'il entend, Paul Baril. La poignée de main est cordiale, le sourire de façade. L'échange est décontracté. Après quelques questions de routine, le juge interroge le capitaine de gendarmerie sur la nature de cette cellule antiterroriste à l'Élysée. Paul Baril retrace alors l'histoire de ce groupe de quelques gendarmes d'élite devenus les oreilles secrètes et discrètes de la République. Il revient sur la conception de l'unité par le chef de la garde présidentielle, le commandant Proutot, en 1982, en plein contexte d'attentats à Paris. Puis il aborde la carte blanche que leur laissait la présidence en termes de moyens humains et matériels pour mener à bien leurs opérations de renseignement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Bien, le juge Valla écoute, l'avocat du gendarme ne bronche pas. Puis, alors que le fonctionnaire évoque à nouveau cette mission de renseignement, le magistrat l'interpelle. Et peut-on connaître la nature de ces missions, capitaine Baril? Peut-on savoir comment la cellule procédait à ces écoutes? Paul Baril lui répond. La cellule avait pour objectif d'obtenir et de centraliser des renseignements. Pour ce faire, nous avons pratiqué des écoutes téléphoniques qui ont été effectuées sur le quota du ministère de la Défense. Puis, avec quelques réticences, sur le quota du ministère de l'Intérieur. Ces écoutes étaient réalisées par le GIC, le groupement interministériel de contrôle. Et du temps où j'étais à la cellule, nous avions une vingtaine de lignes qui tournaient. L'expérience a montré très rapidement qu'il fallait faire des synthèses des renseignements obtenus. On a donc acheté des ordinateurs et on a créé un système informatique à cet effet. Des ordinateurs, un système informatique. À ces mots, le juge Valla réalise l'ampleur du travail de renseignement de la cellule. Ici, on ne parle pas d'un travail d'écoute sommaire, réalisé dans l'ombre d'une cave de l'Élysée, comme l'insinue la presse, non. Dans cette affaire, le procédé est beaucoup plus élaboré. D'autant qu'au dire de Paul Baril, la cellule n'effectuait pas elle-même les écoutes. Elle demandait directement au groupement interministériel de contrôle, le GIC, de réaliser l'interception des lignes, d'enregistrer les conversations, puis de les lui transmettre. Bref, elle sous-traitait. Le magistrat reprend son audition autour d'une autre question essentielle, à savoir, mais qui dirigeait les opérations de renseignement de la cellule? Et à sa grande surprise, Paul Baril lui donne un nom. C'est Gilles Ménage, le directeur du cabinet de François Mitterrand qui coordonnait tout, et qui s'intéressait à tout. C'est d'ailleurs à lui que nous remettions les demandes d'écoute. Avant mon départ de la cellule, au mois de mai 1983, j'ai senti une espèce de dérive. Les renseignements que l'on nous demandait de rechercher ne concernaient pas forcément que le terrorisme. Si le juge Valla sait que le témoignage de l'ancien gendarme peut être sujet à caution, il a tout de même la certitude que dans cette affaire, les ordres d'écoute venaient bien d'en haut, que les gendarmes de la cellule antiterroriste n'ont pas agi de leur propre initiative, mais qu'ils en ont bien reçu des ordres. Pour en avoir le cœur net, le magistrat convoque Gilles Ménage. Directeur de cabinet adjoint du président de la République de 1982 à 1988, Scott, puis directeur de cabinet de 1988 à 1992, l'ancien énarque était l'un des plus proches conseillers du président Mitterrand. Un homme très écouté, enfin, si j'ose dire. À la question du juge, la cellule antiterroriste de l'Élysée procédait-elle à des écoutes ? Gilles Ménage reste ferme sur sa position. À l'époque, le Premier ministre Pierre Mauroy nous avait dit, par doctrine, qu'il ne pouvait pas y avoir d'écoute de journalistes, d'avocats ou d'hommes politiques. À ma connaissance, cette règle a toujours été respectée. Oui, enfin, la réponse ne satisfait pas le magistrat, donc il revient à la charge. Dites-moi, monsieur Ménage, est-ce que d'une façon plus générale, la cellule antiterroriste de l'Élysée a procédé à des écoutes ? Elle n'avait pas le pouvoir de les réaliser elle-même, mais seulement de les demander. Eh bien, en a-t-elle demandé ? Enchaîne le juge Valla. Gilles Ménage sort alors son joker. J'estime être lié par le secret défense et ne pas pouvoir vous répondre en l'état. Convoqué à son tour, Christian Proutot, l'ancien chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée, invoque lui aussi le secret défense. Même cas de figure avec les autres gendarmes, agents d'Adest et aux responsables de l'armée qui collaboraient avec la cellule. À la fin de l'année 93, l'enquête du juge Jean-Paul Valla se retrouve donc dans une impasse. Mais quelques semaines plus tard, au mois de janvier 1994, après de longues tergiversations autour de la question de la levée ou non du secret défense, la commission de contrôle des interceptions de sécurité, celle-là même qui avait été saisie par Pierre Bérégovoy pour mener l'enquête administrative sur les écoutes, eh bien, cette commission révèle des conclusions stupéfiantes. Je cite les propos du rapporteur. Nous, la CNIS, avons constaté de graves dysfonctionnements de la cellule élyséenne dans le cadre de son programme de renseignement. Et quelques lignes plus loin, on peut lire « D'août 1982 à mars 1986, la cellule élyséenne disposait d'un contingent de 20 lignes d'écoute dont il semble qu'elles aient alors échappé à tout contrôle réel. » On en revient aux 20 lignes d'écoute, celles évoquées par le capitaine Baril lors de son audition face au juge Valla. Mais ce qui intrigue le magistrat dans le rapport, ce sont les bornes chronologiques de l'opération. En effet, d'après la CNIS, elle s'étalonnerait sur une période de 4 ans. Et c'est grâce au calendrier électoral que le juge trouve l'explication. Si le début des écoutes correspond à la vague d'attentats sanglantes qui bouleverse Paris à l'été 1982 et dont la fusillade de la rue des Rosiers reste le symbole, la fin de ces écoutes correspond, elle, à la nomination de Jacques Chirac au poste de Premier ministre après les législatives de 86. Autrement dit, avec l'arrivée de la droite à Matignon, les super-gendarmes du président auraient craint d'être démasqués et ils auraient tout arrêté. Sur la base de ces éléments et pour tenter de faire lever le secret défense, le juge Valla met en examen l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Gilles Ménage, tout comme l'ancien chef de la cellule de l'Élysée, le gendarme Christian Proutot. À cela s'ajoute le nom de deux gendarmes de la cellule et d'un agent d'Adest, Pierre-Yves Guillon, l'homme, souvenez-vous, dont le nom apparaissait sur les retranscriptions des écoutes du journaliste Edoui Plenel. Ainsi, à la fin de l'année 1994, le feuilleton des écoutes de l'Élysée continue d'alimenter la chronique judiciaire. Les journalistes, eux, s'interrogent. L'affaire aboutira-t-elle à un jugement public ou sera-t-elle étouffée par des questions de procédure, par exemple. Tu te croyais à l'abri du danger. Tu avais fermé la porte, tout rangé. Tiré quelques traits, gommé des portraits, des ratures, des bavures. See you. dessiner les lignes de ta main, conjurer le malheur, être assez forte pour deux, mais je retiens mes larmes, mes rêves, mes cris, et je voudrais te dire, ça ira mieux demain, t'arracher un sourire. C'est peut-être la peur qui rend aveugle et sourd, qui étrangle l'amour, qu'on étouffe pour toujours. Les cris. Vous écoutez France Inter, il est très exactement 19h. L'heure d'Intersoir samedi qui nous est présentée par Alain Passerelle. Bonsoir Alain. L'affaire des écoutes téléphoniques effectuée par la cellule dite antiterroriste de l'Élysée rebondit. Dans son édition d'aujourd'hui, le journal Le Monde affirme que le juge Valla, chargé de l'instruction de ces écoutes, écoutes réalisées de 83 à 86 et révélées il y a un peu moins de 2 ans, que ce juge donc en possède désormais la preuve formelle, à savoir 5 disquettes informatiques qui contiennent les indications détaillées des centaines d'écoutes effectuées. Palais de justice de Paris, jeudi 12 janvier 1995. Vers 16h30, une femme de grande taille, toute de noir vêtue, se présente à l'entrée de la galerie des juges d'instruction. Elle remet au gendarme en faction une chemise cartonnée de couleur beige. C'est pour le juge Valla, de la part de Maître Berger, glisse-t-elle, avant de s'éclipser. Le gendarme ne pose pas de questions, il prend le pli et le dépose au bureau du magistrat. Quelques minutes plus tard, le juge Valla ouvre la chemise cartonnée. À l'intérieur, il découvre une pochette en plastique rose. Et dans celle-ci, 5 disquettes informatiques numérotées avec la mention « backup », comprenez en français « sauvegarde », mention écrite à la main. Premier élément intrigant, il n'existe aucun maître berger inscrit à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Second élément, encore plus surprenant, le juge reçoit dans la foulée un coup de téléphone anonyme, une voix d'homme. Celui-ci lui demande s'il a bien reçu le pli, puis lui donne la clé d'accès pour lire le contenu des disquettes et ajoute « L'écriture figurant sur les étiquettes est celle de l'un des protagonistes de l'affaire des écoutes de l'Élysée, un blond. » Bon, l'individu raccroche. Le juge Valla dépose les précieuses disquettes pour expertise. Et les résultats qu'il obtient dépassent, et de loin, toutes ses espérances. On découvre en effet sur les 5 disquettes un total de 28 fichiers. Chacun d'entre eux se présente sous la forme d'un étrange nom de code avec une date, une heure et son nombre de signes. L'impression de ces documents dure presque une demi-journée et l'engloutit plusieurs dizaines de ramettes de papier A4. Au total, le juge découvre plusieurs milliers de pages dans lesquelles conversent responsables politiques, journalistes, avocats, écrivains, hommes d'affaires, restaurateurs, magistrats, policiers, éditeurs. Ici, on peut lire l'entretien de Charles Pasqua avec l'un de ses lieutenants. Là, l'échange entre l'épouse de Laurent Fabius et un journaliste. Plus loin encore, les propos de l'écrivain Michel Déon qui évoque les coulisses de la prochaine élection à l'Académie française. Toutes les écoutes réalisées par la cellule antiterroriste de l'Élysée sont là, mais elles n'ont bien souvent aucun rapport avec le terrorisme. Au total, le juge recense plus de 3000 conversations et près de 2000 personnes fichées. Pour l'avocat d'Edouard Plenel, Michel Laval, il s'agit là de la preuve formelle d'une violation de la vie privée et professionnelle de milliers de citoyens. Il semblerait qu'en réalité, les gens qui pratiquaient les écoutes, non seulement mettaient en fiche les personnes écoutées, mais le champ de radiation des écoutes s'est étendu à toutes les personnes qui pouvaient être nommées dans les conversations téléphoniques des personnes écoutées. Ce qui donne un annuaire extrêmement important de plus de 1000 pages, donc des gens mis en fiche qui parfois sont ici une femme de ménage, là un avocat, ailleurs un écrivain, bref, toutes les personnes qui pouvaient passer dans le champ de connaissance des personnes qui étaient écoutées. Assis à son bureau du palais de justice, le juge Valla fait le point sur les pièces à charge dans son dossier. D'août 1982 à mars 1986, la cellule antiterroriste de l'Élysée procédait donc à des écoutes dans le plus grand secret. C'est logique, le groupement interministériel de contrôle, placé sous tutelle du cabinet du Premier ministre qui réalisait les dites écoutes par branchement sur les lignes téléphoniques des personnes ciblées. Logique, transmettait ensuite ses retranscriptions à la cellule antiterroriste qui, elle, procédait à leur synthèse. Grâce aux précieuses disquettes, le magistrat sait aussi qu'une très grande majorité des écoutes réalisées à la demande de la cellule n'avaient aucun lien avec le terrorisme et visaient manifestement à combler la curiosité de l'Élysée sur des sujets d'ordre privé. Enfin, sur la base du témoignage du capitaine de gendarmerie Paul Baril, le juge Valla sait que le chef de cabinet du président Mitterrand, Gilles Ménage, était lui-même au courant de ces pratiques et que c'est lui qui recevait les demandes d'écoute. Le magistrat veut aller plus loin. Il place en examen Louis Schweitzer, ancien chef de cabinet du Premier ministre Laurent Fabius, et Michel Delbarre, ancien directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy. Le juge soupçonne ces deux hommes d'avoir signé des demandes d'écoute sur pression de l'Élysée. Également mis en examen au titre de recel de traitement illicite d'informations nominatives obtenues par des moyens frauduleux, le capitaine de gendarmerie Paul Baril. Car le magistrat en est persuadé, c'est l'une des collaboratrices de l'ancien gendarme qui lui a remis la pochette cartonnée avec les disquettes. Au même moment, le 8 janvier 1996, le principal intéressé de toute cette affaire, François Mitterrand, s'éteint à Paris, des suites d'un cancer. Jamais entendu par la justice, il emporte avec lui sur ce point ses secrets et sa part de vérité sur le scandale. Un an plus tard, le 19 février 1997, l'enquête du juge Valla connaît un nouveau rebondissement. Sur la base d'une information anonyme, la DST, notre service de contre-espionnage, procède à une opération dans le département des Yvelines. Sur place, ses agents perquisitionnent un box de stockage. À première vue, l'endroit est un capharnaüm. Mais au milieu d'une carcasse de vieux moteurs, de cartons de livres, de souvenirs, ils découvrent plusieurs malles métalliques. À l'intérieur de la première, des dizaines de dossiers avec leurs noms soigneusement étiquetés. UVA, les otages du Liban, Greenpeace, Irlandais de Vincennes, Tchad, la liste est longue. Il s'agit à chaque fois de copies de documents confidentiels appartenant à Christian Proutot, le chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Dans la seconde malle, les agents tombent sur des registres d'écoute provenant du GIC, le groupement interministériel de contrôle. Au fil de la lecture de ces dossiers classés top secret, ils constatent que François Mitterrand était directement impliqué dans les écoutes illégales de la cellule élyséenne. Il y a d'abord une mention écrite de sa main qui sera par la suite expertisée sur des notes de synthèse d'écoute. C'est un simple VU, V-U, apposé sur plusieurs documents qui témoignent de leur lecture par le président de la République. Ensuite, il y a cette note datée de novembre 1985, écrite par Christian Proutot et destinée à François Mitterrand. Dans cette dernière, le chef de la cellule antiterroriste propose au président de prendre un certain nombre de mesures pour garantir sa sécurité. Proutot lui explique aussi qu'il serait bon de mettre en place un système d'écoute, disons, particulier, pour éviter que le cabinet du Premier ministre ne s'y oppose. Proutot précise également que ces informations pourraient se révéler précieuses s'il a droit de gagner les législatives en 1986. Joint par Pierre Billot de France Inter, une autre victime de ces écoutes, le journaliste Xavier Hofer, accuse l'ancien président de la République. On apprend que le compte-rendu de ces écoutes était vu personnellement par le président de l'époque. Ah bah écoutez, ça paraît clair. À partir du moment où la cellule en question a été appelée par la terre entière cellule de l'Élysée, à l'Élysée, ça n'est pas le sous-préfet du Tarn-et-Garonne qui dirige la manœuvre. Il est évident que l'impulsion venait du plus haut. Au mois de juin 1998, le Premier ministre Lionel Jospin lève intégralement le secret défense qui entoure l'affaire des écoutes de l'Élysée. Le juge Valla convoque donc une nouvelle fois Gilles Ménage à son bureau. Face au magistrat, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand se révèle bavard. Il confirme notamment que les plus hautes autorités de l'État et que les cabinets du ministre de la Défense, Paul Quillès, et du Premier ministre, Laurent Fabius, étaient informés de toutes les écoutes réalisées par la cellule antiterroriste. Autrement dit, tout le monde savait ce qui se passait à l'Élysée. fort de tous ces éléments, le juge Jean-Paul Valla clôt son instruction. 12 personnes, dont Christian Proutot, Gilles Ménage, Louis Schweitzer, Michel Delbar et Paul Baril, sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Interrogé par Alain Passerelle sur France Inter, l'ancien ministre Michel Charasque s'offusque de cette situation. Les écoutes, n'est-ce pas ? D'abord, c'est une hypocrisie de considérer que c'est Mitterrand qui les a inventées, et qu'on les a inventées entre 81 et 95, comme si elles n'existaient pas avant, et comme si elles n'existent pas aujourd'hui. Monsieur Focard s'était fait, je crois, une spécialité. Monsieur Melnik, qui était le conseiller de Monsieur Debré à l'époque du général de Gaulle, a écrit en octobre 96 dans un journal parisien que, à l'époque de Mitterrand, c'était des enfants de cœur à côté de ce qui se passait sous de Gaulle. Donc j'en ai marre de cette hypocrisie. Quant à ceux qui demandent la levée du secret défense, Monsieur Léotard, pourquoi il demande la levée du secret défense ? Il a été ministre de la Défense. Il pense qu'il l'aurait levé, lui, le secret défense ? Non, il voudrait bien qu'on le lève, parce qu'il voudrait pouvoir le demander pour qu'on lui raconte pourquoi certains de ses collaborateurs ont été écoutés après mai 1995, après le changement de président de la République. Le procès de l'affaire s'ouvre le 15 novembre 2004. De nombreuses victimes des écoutes se constituent partie civile. À la barre, l'ancien chef de la cellule de l'Élysée, Christian Proutot, affirme devant ses juges que c'est François Mitterrand lui-même qui lui a demandé d'écouter les conversations du journaliste Edoui Plenel. À quelques mètres de lui, des piles de classeurs contenant les relevés d'écoute recueillis par le juge Valla, ils font office de preuve incontestable. Dans le tribunal, les débats tournent court. Pour la plupart, les accusés reconnaissent les faits, mais estiment avoir agi sur ordre. Oui, ordre de la présidence de la République. Dans son délibéré, le tribunal constate que ces écoutes n'avaient aucun cadre légal. Les juges estiment également que l'ancien président de la République est bien le donneur d'ordre pour certaines d'entre elles et qu'il a laissé faire pour les autres. En conséquence, Christian Proutot est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 euros d'amende. Gilles Ménage et Paul Baril écopent chacun de 6 mois avec sursis et 5000 euros d'amende. Louis Schweitzer et Michel Delbar, anciens directeurs de cabinet du Premier ministre, sont reconnus coupables pour le placement sur écoute de l'écrivain Jean Edernalier, mais dispensés de peine. Le reste des fonctionnaires, la plupart d'anciens gendarmes, agents des services de renseignement ou de l'armée, sont relaxés, les juges considérant qu'ils n'ont fait qu'agir qu'aux ordres. Le 30 septembre 2008, la Cour de cassation confirme les condamnations des prévenus qui avaient formé un pourvoi. Le tentaculaire dossier des écoutes de l'Élysée se referme. L'affaire aura alimenté la chronique judiciaire et médiatique pendant plus d'une décennie. Elle aura terni l'héritage politique du premier septennat de président François Mitterrand, qui fut pourtant chargé de tant de grandes réformes. Mais telle est la biographie de ce président-là, faite d'ombre et de lumière. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret. If one of them is dead. Why do you smile like you've been told a secret? Now you're telling lies, cause you have sworn to keep it. But no one keeps a secret. No one keeps a secret. Why, when we do our darkest deeds, do we tell? They burn and our brains become a living hell. Cause everybody tells, everybody tells. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Look into my eyes, now you're getting sleepy. Are you hypnotized by secrets that you're keeping? I know what you're keeping. I know what you're keeping. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of us is dead. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les écoutes de l'Élysée, le dernier secret de François Mitterrand. Notre invité, le journaliste Jean-Marie Pontaut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien rédacteur en chef du service d'investigation pour Le Point et L'Express. Vous êtes l'auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages sur les affaires qui ont marqué la vie politique française de ces 30 dernières années. Votre dernier livre s'intitule « Sous les jupes de la Ve République, politique, prostituée, policier, enquête sur les liaisons dangereuses ». Il est paru l'an dernier aux éditions Taillandier. Vous êtes l'auteur, avec Jérôme Dupuis, d'un livre référence sur toute cette affaire des écoutes téléphoniques intitulée « Les oreilles du président » paru chez Fayard, ça c'était en 1996. Je crois savoir que vous avez un rapport très particulier avec cette affaire-là, pour avoir fait votre travail de journaliste. Vous vous êtes retrouvé par la suite devant le tribunal, expliquez-moi. Oui, quand on a sorti avec Jean Dupuis ce livre, donc on donnait vraiment, on donnait d'abord l'annuaire total de tous les noms qui apparaissaient dans les écoutes, et puis on donnait aussi, on a fait par chapitre, les avocats, les journalistes, 128 journalistes quand même, excusez du peu, qui ont été écoutés quand même. Et donc on a fait des synthèses par thème, si vous voulez. Bon. Et donc, quand le livre est sorti, en 1996, Gilles Ménage, dont vous avez parlé, nous a attaqués. Il nous a attaqués pour violation du secret de l'instruction. Pas pour diffamation, mais pour violation du secret de l'instruction, qui est un délit formel. Tu sais. Donc, on a été en première instance et on a été condamnés. Une peine de principe, nous a dit le président. Mais comme justement il s'agissait de principe, on ne voulait pas céder là-dessus. Et puis en plus, il y avait des dommages-intérêts qu'on ne voulait pas donner à Gilles Ménage. Parce qu'on trouvait quand même que la part de quelqu'un qui a fait écouter 2000 personnes, nous attaquer pour violation du secret, il fallait quand même avoir un petit culot. Et donc, on a été en appel, on a été condamné en appel, on a été en cassation, on a été condamné en cassation. Et puis on a été devant la Cour européenne des droits de l'homme, où on a gagné. C'est-à-dire que la France a été condamnée en estimant que le droit de l'information avait été bafoué. Et en parlant d'ailleurs des chiens de garde de la démocratie, que les journalistes étaient chiens de garde de la démocratie, notre avocat Henri Leclerc dit que cet arrêt lui sert de talisman pour ses plaidoiries. Eh bien, alors quel était votre sentiment lorsque vous avez vu pour la première fois les retranscriptions d'écoute? Parce que tout de même, nous vivons en France, qui est une démocratie mature quand même. Et puis là, c'est un peu la Stasi, quoi. Ah, c'est un peu la vie des autres. Ben, si vous voulez, nous, on a eu effectivement assez rapidement, le Libération a sorti les premiers éléments, et on a eu très rapidement d'autres comptes rendus d'écoute. C'est vrai qu'il y avait des choses stupéfiantes. Enfin, quand vous avez une conversation entre la femme du Premier ministre en exercice avec un journaliste qui était un ami à elle, où il parlait de la couverture de Minute, parce qu'il y avait une photo des seins nus de Mme Françoise Castro, on s'est dit, on rêve, enfin, il y avait quelque chose. Et ça, c'était pas anecdotique, parce que c'était quand même la femme du Premier ministre en exercice. Ben oui. Et en plus, c'était accompagné d'une note qui disait Françoise Castro, née juive gréco-turque, ce qui était quand même, pour un gouvernement de gauche, une chose pareille, était quand même terrifiant. Et là, on a peu à peu réaliser à quel point c'était une affaire exceptionnelle quand même, à quel point c'était une espèce de police privée invraisemblable. Et puis on a découvert au fur et à mesure qu'on a eu accès, et à un moment donné, on a eu accès à la totalité de la production de la cellule. Alors, ça aurait pu ne pas sortir, cette affaire-là, il se trouve que c'est sorti, est-ce qu'il y a un règlement de compte? Je pense notamment à Barry, l'ancien de la cellule, écouteur pu écouter, tombé en disgrâce, il aurait voulu se venger, on peut penser qu'il y a de ça quand même? Tu sais, nous, on a un peu un secret des sources, évidemment. Il est évident que ça vient de la cellule. Ça vient de la cellule, parce que c'est un règlement de compte au sein de la cellule. Mmh. Et les gens qui ont donné, ce que vous dites, les écoutes, qui ont cette fameuse cette dame femme en brune, noir, hein, qui a apporté cette espèce de listing où il y avait tout, ça ne peut venir que quelqu'un de la cellule qui les a transcrits, qui les a récupérés. Donc je pense qu'effectivement, Barry, une possibilité, disons. Mais c'est un règlement de compte interne à la cellule, c'est clair. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer cette méthode de la part d'un président, alors, pas de gauche, parce que c'est gauche ou droite, c'est pas ce qui fait la différence peut-être, mais c'est peut-être encore plus choquant. Mais pourquoi il a fait ça? Je crois qu'en fait, ils ont fait ça. C'est une sorte de dérive, c'est-à-dire que quand elle est créée en 82, elle est sans doute créée effectivement à la suite d'attentats terroristes et des affaires terroristes. Mmh. Et puis, peu à peu, ça va devenir un outil discrétionnaire, entièrement entre les mains du président, de police privée. Et elle va s'occuper, elle va se focaliser sur les fuites, sur la vie privée, la protection de la vie privée du président. Et Dieu sait si elle était mouvementée. Elle était mouvementée, mais en plus, à l'époque, il y avait la double famille, il y avait Mazarine, qui était totalement... Qui était pas c'est connue, ce que j'évoquais. Voilà, qui n'était pas du tout connue. Et donc, parce qu'on voit que Mazarine, ils mettent sur écoute des proches de Mme Pinjot, ils la font déménager, et ils font une fixation sur un autre journaliste. Et Dernallier est quand même, après Plenel, c'est celui qui a 640 écoutes. Plenel en a 667, je me souviens bien quand même. Ils le suivent partout parce qu'ils ont... Alors, là, il y a autre chose. C'est pas la vie privée. Ils ont peur des révélations de Jean Dernallier, qui avait été très. Ils voulaient faire un livre. Qui a fini par sortir après, qui s'appelait L'honneur perdu de François Mitterrand, et où il racontait effectivement un certain nombre de choses sur François Mitterrand, dont Mazarine, dont l'affaire de la Francisque. Il y avait une sorte de dépit amoureux, si j'ose dire, entre Jean Dernallier et François Mitterrand. Et Plenel, lui, c'était pour l'affaire des Irlandais de Vincennes, parce que l'affaire des Irlandais de Vincennes, il faut le dire, elle est quand même peut-être constitutive de toutes ces dérives-là. C'est comme le gros ratage, quoi. En début de septennat, on s'est dit, gouvernement de gauche, parano, enfin c'est une parano d'État, les affaires. Oui, c'est-à-dire que l'Élysée va annoncer en août qu'ils ont arrêté des terroristes. Alors on se dit, ils ont arrêté des gens très très impressionnants. Puis on s'aperçoit que c'est trois Irlandais qui n'étaient même pas recherchés par la police anglaise. Et que donc... Et la police judiciaire va dire que cette histoire n'existe pas. Et on va s'apercevoir au fur et à mesure que non seulement elle n'existait pas, mais qu'on a très vraisemblablement, à perquisition, comme on ne trouvait pas d'armes, on les a ajoutées, on les a mis dedans. Puis à la fin, je crois qu'on a trouvé une vraie, ce qui a compliqué un peu la procédure. Et c'est d'ailleurs ça qui a dû créer aussi, alors ça a fait un scandale, et ça a créé probablement le clash avec Barry. C'est-à-dire que Barry était très impliqué dans l'affaire des Irlandais, et c'est là où il a commencé à s'éloigner et à se battre avec ses anciens copains. Est-ce qu'il a raison, Michel Charras, le truculent Michel Charras, quand il dit « mais ça se faisait avant et ça s'est fait après ». Les écoutes, c'est-à-dire avant Mitterrand et après. Alors c'est vrai et faux, c'est-à-dire que c'est vrai que les écoutes téléphoniques, ça date du téléphone quasiment, de tous les ministres de l'Intérieur ont eu l'idée de faire ça. Par exemple, avant Giscard d'Estaing, en 1974, les renseignements généraux écoutaient absolument tout le monde, c'est-à-dire que c'est tous les hommes politiques. Moi j'avais interviewé à l'époque la personne qui avait François Mitterrand sur écoute, qui disait d'ailleurs que François Mitterrand, tout le monde, il parlait jamais d'affaires politiques, mais il parlait tellement bien, en particulier aux dames, que les types écoutaient tous émerveillés. Les écoutes. Il prenait des cours. Mais de c'était une pratique. Mais c'est une pratique de service de renseignement. Si vous... Et puis c'était des pratiques quand même qui n'étaient pas dans la morale de la gauche. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc en 80... Donc il a raison, Charras. Ça se faisait avant. Ce qui ne se faisait pas avant, c'est que ça dépend directement du président de la République. Sans aucun filtre. Parce qu'avant, il y avait l'enseignement général, le ministère de l'Intérieur. Là, vous avez 20 lignes, effectivement, qui sont attribuées directement à la présidente de la République. Et le système est un système par étoile. C'est-à-dire, vous avez 20 lignes, il y a 150 cibles, mais chaque personne écoutée parle à d'autres personnes et donc on met les transcriptions des autres personnes. Donc très rapidement... C'est une arborescence d'écoute et évidemment il trie. Mais ça fait une espèce de monstre incroyable où tout le monde y passe, pratiquement tout le monde y passe. On va écouter une nouvelle fois Michel Charras, si j'ose dire. On s'en lasse pas, non. Du côté de l'Élysée, la ligne de défense, consiste à dire que ces écoutes ont eu lieu dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ça c'est le deuxième argument. On va écouter la réaction de Michel Charras qui revient sur cet enjeu au micro de France Inter. Je reviens au contexte de 82-86. 82-86, terrorisme, attentat dans Paris, des morts dans Paris, et les services qui fonctionnaient pas très bien. Donc cette cellule, ce petit groupe de deux ou trois personnes, a été mis en place parce que le président voulait voir par lui-même un certain nombre de choses et comment ça fonctionnait. Mais Carole Bouc, j'en reviens à Carole. Dans la lutte contre le terrorisme, il y avait notamment les écoutes, mais il n'y avait pas que ça. Bon. À l'époque, vous me dites Carole Bouquet. Bah oui. Je m'excuse, c'est pas Carole Bouquet qui a été écoutée. C'est les personnes qui habitaient chez elle. Un journaliste du Monde, on s'en fout du Monde, et on s'en fout de ce journaliste. C'est pas lui qui a été écouté. Mais à l'époque, il faisait des enquêtes sur le terrorisme. Donc la moindre des choses, c'était d'essayer de savoir s'il n'avait pas des informations qui permettent de piéger des terroristes et d'éviter de nouveaux attentats. Et notre conseil... Un avocat, c'est la même chose. Alors vous allez me dire, à partir du moment où on sait que c'est un acteur connu, et la pauvre Carole Bouquet y est pour rien, bien sûr, mais à partir du moment où on sait que c'est un acteur connu, un journaliste ayant pignon sur rue à Paris, un avocat connu, on va dire, bon, ben tant pis, vaut mieux prendre le risque d'avoir des morts plutôt que de ne pas les écouter. Bien sûr que non. D'accord. Bon, on est d'accord. Alors maintenant, vous n'allez pas la ramener quelque temps après, et je vous mais dis... Mais je ne la ramène pas, j'aime remplacer une, monsieur le ministre. J'ajoute que dans la liste, J'ajoute que dans la liste, il y avait à l'époque la famille du président qui était menacée. Mmh. C'est, j'en viens à l'anecdotique. Et vous pensez bien que... Si le grand public ignorait l'existence de sa fille, il y avait un certain nombre de terroristes qui le savaient. Et ils avaient envie d'attraper ses enfants. On en est sûr ? On en est sûr, mais c'est des informations qui sont parvenues à l'époque à l'Élysée, on le savait. Et on savait qu'on était obligé de prendre un certain nombre de mesures. Bon, moi je pense que tout ça maintenant, ça suffit. Bon, alors, la lutte antiterroriste, elle a bon dos. Hein. Alors, vous avez vu, sur la protection des sources, c'est extraordinaire, parce que donc c'est un concept auquel on est très attaché, nous, journalistes, évidemment, et à laquelle la démocratie doit être attachée. Alors, lui, il dit carrément, on va écouter des journalistes qui ont des conversations avec des gens. Bah, les gens, c'est les sources, donc ils vont carrément écouter les sources. Voilà, c'est une violation totale de toutes les règles déontologiques et même de la légalité, quand même. Mais évidemment, c'est une foutaise, parce que quand on lit la production, il y a très peu de choses sur la lutte antiterroriste, très peu. Il y a un peu sur les Corses, un peu sur des otages du Liban, mais il y a très peu de choses. Par contre, il y a des choses invraisemblables sur les journalistes. Et moi, je vois, il y a une note à un moment de Mitterrand, qui est adressée à Mitterrand par Proto, qui dit, parlant de Jean-Yves Dernallier, par les moyens techniques dont nous disposons, nous avons appris que Jean-Yves Dernallier allait passer à une émission de France Inter, qui s'appelle Aujourd'hui la vie, demain, nous avons rendu compte et l'émission a été annulée. Et l'émission a été annulée sur ordre de l'Élysée. Donc on est dans quelque chose d'invraisemblable, enfin qui, par rapport à une démocratie, est insupportable. Comme quoi, c'était pas toujours mieux avant. On dit souvent c'était mieux avant, ben non. Non, ben parce que là, ça se passerait pas comme oui, ça. Oui, mais je crois que ce serait franchement impossible aujourd'hui. Ça pourrait provoquer un scandale d'État invraisemblable aujourd'hui. Est-ce qu'il faut y voir une conséquence du manque de confiance de François Mitterrand envers les services secrets français ? On savait qu'il avait des rapports délicats avec les services secrets. Oui, ça c'est clair. Jean-François Mitterrand, qui avait pourtant été ministre, et justement, peut-être parce qu'il avait été ministre de l'Intérieur, connaissait un peu les pratiques, surtout à son époque, ouais, c'était des pratiques franchement douteuses. Oui, mais je pense qu'il faisait aussi référence à sa période pendant laquelle il était dans l'opposition. Non, mais il savait qu'il avait été, ce que je vous disais tout à l'heure, il savait qu'il avait été espionné, il y avait l'affaire de l'Observatoire, il y avait eu un certain nombre de choses, donc je crois qu'il se méfiait terriblement, et donc les gendarmes le protégeaient de cette façon. Et puis je crois que ça correspond à quelque chose de profond chez François Mitterrand, qui est un sens de sa liberté. Ces gens-là lui permettaient d'avoir une liberté totale, c'est-à-dire que tout, contrairement à des gens qui ne supportent pas les protections, là c'était le contraire. Il lui organisait totalement sa vie, ce qui lui permettait d'avoir plusieurs vies parallèles, ce qu'adorait François Mitterrand, qui était quand même un très très grand compliqué. Oui, qui voulait peut-être très grand être subtil. Fidèle à la réputation qu'il avait de son vivant de personnage de roman, parce que c'est ça quand même, oui. La fameuse ombre et lumière de Mitterrand. Absolument. C'est ça, la part d'ombre, très joli titre, ouais. Effectivement. Vous disiez tout à l'heure, Louis Plenel. Bien sûr. C'est ça aussi la. Oui. La je crois même que de voir quand même les écoutes de la femme de son premier ministre devait lui donner une certaine petite jubilation, quelque chose. Alors, qui lui plaisait. Ça c'est dit, ça. Ça a été redit, confirmé qu'il y prenait plaisir, mais presque un plaisir presque de. Intellectuel, de je pense. Oui, c'est aussi, ça. Ça l'amusait, un petit peu pervers quand même. Il y avait une petite perversité là-dessus, parce qu'après, on a découvert effectivement les notes, les 160 notes adressées. Et là, vous voyez directement l'intervention précise, enfin, et les retours, et des notes à noter, et des choses incroyables, avec effectivement, même dans certains cas, je crois que c'est pour Carlos ou pour quelqu'un d'extrême droite, où les gendarmes lui demandent si. Finalement, en gros, il ne faudrait pas le supprimer. Enfin, ça va jusque-là, en lui disant, si vous pensez que cette extradition n'est pas opportune ou qu'il serait préférable de neutraliser cet homme par d'autres procédés, il en sera fait selon votre volonté. C'est quand même, c'est du Louis XIV. En gros, si vous pensez ce que nous pensons, si pardon, bon, allez-y. Alors, ça n'a, mer, ça n'a pas quoi. Eu lieu, parce que François Mitterrand n'était pas... Il n'y a pas eu d'exécution. Mais on était arrivé... Et je pense qu'effectivement, ça correspond à quelque chose d'assez profond du personnage, de la complexité du personnage. On va écouter une dernière archive ensemble. On va écouter Gilles Ménage, qui réagit après une convocation chez le juge Valla. Et là, nous sommes au printemps 1997. J'ai indiqué avec précision au juge Valla les noms des personnes figurant dans le dossier qui auraient été écoutées et pour lesquelles je serai en mesure de lui donner des explications plus ou moins précises suivant les cas, parce que je ne connais pas tous les cas, mais plus ou moins précises, permettant d'identifier exactement les circuits de décision, les motifs qui ont fait que ces écoutes ont été réalisées. J'ai dit que je répondrai précisément au juge concernant deux noms qui ont été beaucoup commentés par la presse, qui est celui de M. Eddy Plenel et celui de Maître Antoine Comte. Et pour, si j'ose dire, mettre un terme à une question qui m'est trop souvent posée, j'ai dit au juge Valla que j'étais dans l'incapacité de lui expliquer par qui et pourquoi Madame Carole Bouquet avait été écoutée, si elle l'a été, et je lui ai dit qu'à ma connaissance, le président François Mitterrand n'avait jamais été informé d'une écoute quelconque concernant Madame Carole Bouquet. Alors, c'est le même homme qui avait dit que ça n'existait pas. Il faut se souvenir qu'au début, il a dit que ça n'existait pas, et qu'ensuite, c'est protégé par le secret défense qui a fini quand même par être levé. Mais c'est vrai que la droite, quand la droite arrive à cohabitation 86, ils découvrent ça, évidemment. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas parce qu'on ne veut pas de bibi entre Chirac et le président. Donc ça a été caché aussi. Et dans le fond, si quelqu'un n'avait pas donné tous ces éléments, ça aurait été une affaire qui aurait pu rester complètement... Ça aurait pu passer à l'as, comme on dit. Ça aurait pu passer à l'as, exactement. Jean-Marie Ponto, est-ce que vous voyez des résonances avec la situation d'aujourd'hui, bien qu'il faille être prudent parce que les contextes et les époques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais enfin, le terrorisme qui peut avoir bon dos, on rappelle que cette cellule a été créée en 82, bon, le terrorisme on le connaît aujourd'hui également, est-ce que finalement ce qui nous fait le plus mal dans ce terrorisme, c'est qu'il interroge notre démocratie sur sa capacité à nous protéger sans empiéter sur nos libertés fondamentales. Vous voyez une résonance ? D'abord, les écoutes sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus contrôlées maintenant. Les écoutes, c'est totalement contrôlé. Mais sur le danger que ça jusqu'où on peut aller. Mais vous savez, il y a eu aussi le débat sur les écoutes de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on pouvait mettre sous écoute le président de la République d'écoute légale, contrôlée ? Il faut trouver le lien entre la démocratie, la loi, et puis effectivement la nécessité de l'action judiciaire et policière. Et c'est effectivement compliqué. Merci infiniment, Jean-Marie Ponto. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les écoutes de l'Élysée, une émission que vous pouvez réécouter, j'ose dire, en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Antoine Gomez qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons la révolution verte en Iran.